Troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de l'enfer, mais ce matin, très exceptionnellement, notre enfer s'envisagera au pluriel. Lundi, le médiéviste Jean-Claude Schmitt nous a expliqué combien l'enfer avait évolué tout au long du Moyen-Âge. Puis mardi, nous nous sommes intéressés à l'exorcisme. Demain, le documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Ciboulet s'arrêtera sur la vision des enfers de Dante. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur les enfers d'avant le christianisme, en particulier en Mésopotamie, en Égypte ou encore en Grèce ancienne. Une émission co-animée par Anaïs Quin qui a préparé toute cette semaine avec nous, avec pour invité Karine Makovia. Elle est maître de conférence à l'université de Bourgogne-Franche-Comté à Besançon. Youri Volokhin est maître d'enseignement et de recherche à l'université de Genève. Il sera avec nous en duplex depuis les studios de la RSR. Il est spécialiste de l'Égypte antique. Il est auteur d'un ouvrage collectif récent sur un tout autre sujet, La barbe au Proche-Orient, qui paraîtra d'ici très peu de temps chez Peter Lang. Véronique van der Stead est chercheuse également, chercheur au Musée d'art et d'histoire de Bruxelles et maître d'enseignement à l'université libre de Bruxelles. Elle est en direct avec nous depuis les studios de la RTBF, que nous remercions de l'y accueillir. Et puis, elle est spécialiste des conceptions de l'au-delà en Mésopotamie. Elle a publié d'ailleurs un ouvrage aux éditions Peters sur ce thème. Bonjour à vous, Anaïs Quin. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Véronique van der Stead. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Youri Volokhin. Bonjour. Et vous êtes donc en duplex depuis Genève. Et bonjour à vous, Karine Makovyak. Bonjour Emmanuel Laurentin. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, peut-être arrêtons-nous sur cette particularité qu'aujourd'hui nous allons parler non pas de l'enfer tel que nous allons parler dans les autres émissions de cette semaine, mais des enfers. Pourquoi ce pluriel, Véronique van der Stead? Et d'ailleurs, est-il valide pour l'espace qui est le vôtre, ce dont vous êtes spécialiste, c'est-à-dire la Mésopotamie? Eh bien, pas du tout, puisque en Mésopotamie, il n'y a absolument pas d'enfer au sens où on l'entend dans la tradition chrétienne, par exemple, puisque les morts vont tous dans un seul et même lieu, qu'on ait été sage ou qu'on ait été méchant, on va tous dans un seul et même monde des morts. Et les Mésopotamiens, eux, avaient 15 dénominations en acadien, 15 dénominations en sumérien pour qualifier leur monde des morts, mais ça n'a donc absolument rien à voir avec l'enfer qu'on pourrait opposer au paradis. Et c'est la même chose pour vous, Youri Volokhin, ou c'est différent? C'est un peu la même chose, un peu différent aussi. Il est clair que la conception d'un enfer et d'un paradis, ou un endroit pour les bons et un endroit pour les méchants, ça ne fonctionne pas du tout. C'est effectivement un espace particulier, à vrai dire c'est une région du monde, qui est surtout, peut-être à la différence de la Mésopotamie, qualifiée par un terme important, qui est le mot douat, en ancien égyptien. Et c'est l'endroit où vont les morts, mais aussi où va l'astre solaire pour se régénérer. Donc c'est un endroit particulier. Et pour vous, donc pour l'espace de la Grèce antique, Karine Makovyak? Ben écoutez, je dirais que c'est un petit peu la même chose que par rapport à la Mésopotamie et l'Égypte. On a effectivement un seul et même lieu qui s'appelle l'Hadès. Et plus particulièrement, les Grecs, notamment Homère dans l'Odyssée, parlent de la maison d'Hadès. Donc là, effectivement, à l'origine, il semblerait que vous soyez bon ou mauvais, vous vous rendez tous dans un seul et même lieu qui est sinistre et sombre. Voilà. Anaïs Quin. Oui, d'ailleurs, vous disiez, Karine Makovyak, à l'instant, que ce lieu était sinistre et sombre. Oui. Mais tous ces enfers, Véronique van der Stede, ne sont pas forcément si lugubres que cela. Mais en tout cas, ils parlent tous d'un récit des origines des civilisations qui produisent ces récits de monde des morts, de monde d'après la vie. Ben, non, c'est pas aussi lugubre que ça. En fait, ce qui s'est passé par rapport au terme enfer, c'est que les assyriologues, il y a longtemps, les premiers assyriologues ont été confrontés à un texte qui s'appelle « La descente d'Ishtar aux enfers », j'ai malheureusement utilisé le terme, où on a une description du monde des morts qui est assez pessimiste, hein, où on est décrit les morts comme vivant dans l'obscurité, comme mangeant de la poussière, buvant de l'eau saumâtre. Et donc c'est ça en fait qui a conduit les assyriologues de l'époque à faire une comparaison avec le monde, alors les enfers des chrétiens, pardon. Mais en réalité, mais ça dépend un petit peu des sources sur lesquelles on se base, mais en réalité, le monde des morts mésopotamiens est finalement assez semblable à celui des vivants. Donc il faut savoir que c'est un monde souterrain aussi. Alors pas toujours, je crois que vous avez trouvé des documents qui placent l'enfer au même plan que le monde des vivants dans un premier temps, et puis les progrès en géographie, les progrès en connaissance du territoire font qu'on va placer l'enfer finalement de manière souterraine, parce que finalement on n'a plus de place dans le monde connu pour le placer dans le paysage des connaissances de l'époque. Oui, c'est une des théories qui est avancée, mais il faut bien savoir que c'est basé sur très peu de sources. La majorité des sources dont nous disposons place les enfers sous la croûte terrestre, même plus bas encore, puisque le monde, la partie de l'univers qu'on appelle la Grande Terre est divisée en trois parties. Vous avez la croûte terrestre, où vous avez une grande masse d'eau douce en dessous qu'on appelle l'Apsu, qui est source de toutes les rivières en Mésopotamie. Et puis, là encore, en dessous, vous avez le monde des morts, et il est clair que ceux qui s'y rendent descendent vers les enfers et parfois ils ont la chance de pouvoir en remonter. Oui, on parlera justement de ces allers-retours qui sont fort intéressants. Pour vous, Youri Volokhin, c'est la même chose ? C'est un monde souterrain, le monde des enfers, ou c'est très différent ? Alors ça peut être un monde souterrain dans certaines conceptions. C'est le royaume d'Osiris qui est finalement comme conçu comme un grand domaine royal avec un palais. Bon, mais ça peut être aussi un lieu céleste, stellaire. Ça peut être l'intérieur du ventre de la déesse du ciel. En fait, ce sont des choses qui s'expriment à différents moments dans des textes de nature différente. Mais il y a des tentatives en fait de synthèse qui sont faites par les anciens Égyptiens. Il faut bien voir que on a des sources assez foisonnantes sur l'au-delà, mais qui datent il y en a depuis le 3e millénaire jusqu'à l'époque chrétienne, si vous voulez, enfin juste avant, des textes qui sont liés à l'au-delà. Donc, comme Jean-Claude Schmitt nous expliquait que pour l'enfer chrétien, sur 1000 ans de temps, eh bien évidemment, ça avait beaucoup évolué. C'est la même chose pour la période de l'Égypte ancienne, c'est ça? Voilà, mais il y a toujours des choses de base qui sont peut-être un peu restées, des choses fondamentales. Il y a peut-être une chose qui est fondamentale à dire, c'est que l'endroit dans lequel on va après la mort n'est précisément pas le monde des morts. C'est-à-dire que cet espace-là, qu'ils appellent la douate, on y est vivant. Alors, être mort, c'est ne pas être dans l'au-delà, en quelque sorte. C'est d'être détruit, éliminé. Et donc là, ce qui est possible, hein, ça peut arriver. Et donc finalement, c'est pas le monde des morts, justement parce qu'on n'est pas mort quand on y est. D'ailleurs, c'est un voyage, c'est un lieu de passage. Si l'on reprend tous les mythes liés à Ré, le dieu du soleil, il serait donc question d'un enfer vécu toutes les nuits, à chaque fois que le soleil se couche, et d'une lutte du soleil et du dieu du soleil pour rétablir la lumière et l'ordre du jour, d'une certaine façon, Youri Volokhin. Oui, c'est ça. D'une certaine façon, ce qui se passe là, c'est la dimension cosmique de l'au-delà. C'est le lieu traversé par l'as solaire quand il disparaît à l'horizon et puis il ressort de l'autre côté. Hein. C'est quand même quelque chose un peu miraculeux. Mais il doit combattre pour pouvoir ressortir. Mais la plus grande bataille, finalement, c'est une bataille qui est l'idée de la survie, de le fait de pouvoir renaître. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'idée égyptienne. Et la chose capitale à comprendre, c'est que dès une époque fort ancienne, ils ont opéré une fusion entre des conceptions différentes de la survie dans l'au-delà. D'une part, le voyage solaire du dieu solaire qui va se régénérer dans l'au-delà et qui va renaître. Et d'autre part, le dieu Osiris qui a été tué par son frère qui convoitait le pouvoir et qui est reconstitué magiquement, on peut dire, par son épouse. épouse Isis, et les deux mythes en quelque sorte fusionnent, et on a une synthèse solaire osirienne qui est le fin mot un peu de la conception de la survie. Donc c'est des mythes différents qui ont été différents à l'origine, mais une origine que nous on n'arrive pas précisément à tracer, et qui en tout cas ont fusionné pour donner une vision unique. Karine Makoviak, qu'en est-il de ces enfers grecs? Ils sont souterrains aussi? Alors, ils sont souterrains, mais il faut avouer que l'enfer grec est une chose assez ambiguë et diffuse à la fois. Tout est en fait question de source, comme l'a souligné ma collègue Véronique van der Stede. Alors, de manière générale, les enfers grecs sont plutôt des bouts du monde, ce que les Grecs appelaient des eschatiai, c'est de là que vient le mot eschatologique, ce qui est relatif à la mort. Et on a tendance, d'après Hésiode dans la Théogonie, qui rapporte justement les récits des origines du monde, pour faire une espèce de cartographie du monde et des enfers, Hésiode situe l'Hadès dans un monde souterrain, il le compare à une jarre obscure qui sent le moisi. Donc là, c'est assez clair. Et puis on a également ce très beau mythe, un mythe d'Hadès et de Corée, le mythe d'Hadès qui enlève Corée, qui surgit de sous terre pour enlever sa femme et la précipiter dans les profondeurs. Donc on est bien également dans un monde souterrain. Et on a d'ailleurs plusieurs lieux, des choses qui ressemblent au purgatoire. On a une échelle des peines qui conditionne l'endroit. Ils sont nombreux, il y en a quand même 4 ou 5, où l'on pourrait atterrir en fonction aussi de sa qualité sociale de vivant après sa mort. Alors, ce à quoi vous faites référence sont des croyances plutôt tardives, on va dire. Comme je le disais tout à l'heure, on a une description assez précise de l'Hadès dans le chant 11 de l'Odyssée, donc avec Homère, aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a aucune distinction entre bons et méchants. C'est Platon le premier, et également certaines sectes, des sectes ésotériques et philosophiques, donc on reste dans des milieux assez circonscrits, qui ont tendance à mettre en place, oui, une théologie de récompense et de punition. Mais il semblerait que dans les croyances, alors j'hésite à dire populaires parce que ça n'a pas vraiment un sens, mais on va dire dans les traditions hésiodiques et homériques, qui servaient de référence à la plupart des Grecs, cette idée de récompense et de punition n'est pas sa place. C'est une élaboration intellectuelle de l'époque classique. Et donc, voilà. On connaît l'épisode de l'Iliade, donc dans la descente d'Ulysse aux enfers. Oui, c'est dans l'Odyssée. Plutôt, voilà, c'est dans tout l'Odyssée. À fait. Et ça, c'est un moment très important parce que justement, ça nous rend visible d'une certaine façon ce que sont ces enfers. Oui. Du temps d'Homère. Oui, exactement. Alors, vous avez ici un espèce de lieu commun, un topos du voyage dans l'enfer que vous trouvez dans de nombreuses religions, en fait. Hein. Et les Grecs ont tout particulièrement développé ce thème du héros, dans le cadre d'une espèce d'épreuve initiatique, qui arrive à entrer dans le monde des morts et à en ressortir. Et il y a donc cette très belle histoire d'Ulysse, qui, pour savoir comment il doit rentrer chez lui à Ithaque, va interroger les morts. Et c'est une espèce de synthèse que fait Homère dans ce chant 11, parce qu'en fait, il nous décrit également les rites qui ressortent un petit peu de la magie. Alors, vous parliez d'exorcisme dans une émission précédente. On a un lien direct. Les rituels de la mort ont quelque chose de très magique en Grèce. Donc, Ulysse se rend devant la bouche des enfers, une espèce de marécage. Il prie les morts. Il égorge un agneau, un bélier et une brebis noire. Il attend que les morts se présentent et il attend surtout que le devin Tirésias vienne lui dire comment revenir chez lui, mais pour cela, Tirésias doit d'abord boire le sang qui coule de l'égorgement des bêtes sacrifiées. Donc c'est une image assez épouvantable, mais intéressante aussi. Cette question d'ailleurs des allers-retours aux enfers, vous y insistez aussi, Véronique van der Stede, c'est aussi ce qu'on trouve dans les textes mésopotamiens. On peut y aller et on peut en revenir, mais à des conditions très particulières, Véronique van der Stede. Non, en réalité, on ne peut pas du tout y aller. Il y a une séparation nette entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y a certaines divinités, comme la déesse Ishtar, qui vont s'y risquer. Ouais. Mais comme le souligne le texte sumérien, en fait la version sumérienne du texte, elle va finir accrochée à un clou dans le monde des morts. Donc, en quelque sorte, elle y meurt, en tout cas pour un certain laps de temps. Donc, elle ne pourra remonter que parce que quelqu'un prendra sa place dans le monde des morts. Ça veut donc dire aussi, et vous y insistez beaucoup, Véronique van der Stest, que les textes sont contradictoires, qu'ils ne disent pas la même chose, et que, effectivement, pour le chercheur ou la chercheuse que vous êtes, effectivement, ça n'est pas si simple que cela de s'y retrouver, parce que vous avez des textes, là aussi, sur de longues durées de temps, qui présentent à la fois le lieu, les personnes qui s'y trouvent, enfin, les souverains des enfers, ils sont parfois différents, les personnes qui peuplent ces enfers sont différents aussi, et ça n'est pas toujours très simple de s'y retrouver, j'ai cru comprendre, Véronique van der Stest. Non, c'est pas simple du tout, puisque bon, on a des sources, bon, je vais exagérer un petit peu, mais sur près de 3000 ans. Le problème aussi, c'est qu'on n'a pas de manuel qui nous expliquerait de manière claire et structurée la manière dont les Mésopotamiens concevaient l'au-delà. Et donc, on doit aller chercher les informations dans une multitude de textes. Ça va des textes littéraires aux textes juridiques, historiques, magiques. Oui, les inscriptions funéraires et même des simples lettres. Donc, on doit vraiment aller chercher les petites informations à gauche, à droite. Et donc, malheureusement, la vision qu'on a du monde des morts en Mésopotamie est une vision, je dirais, un peu théorique, un peu artificielle, que l'on reconstitue à travers toutes ces petites informations qu'on peut aller chercher à gauche et à droite. Anaïs Kien. Alors pour vous, Youri Volokhin, d'une certaine façon, Véronique van der Stede parlait d'un manuel que nous n'avons pas pour la Mésopotamie, mais on a une forme de manuel d'une certaine façon, ou en tout cas un guide en ce qui concerne l'Égypte ancienne, sous la forme du livre de Landois, qui décrit le parcours de Pharaon aux côtés de Ré pour justement surmonter sa mort. Et là, on a une forme de guide, de how to do ce voyage initiatique pour espérer revenir à la vie d'une certaine façon, ou plutôt acquérir l'immortalité que cherchent les pharaons après leur mort. Youri Volokhin. Oui, alors il faut préciser quelques éléments. Vous avez parlé du livre de l'âme douate, hein, qui signifie simplement ce qu'il y a dans la douate, qui est connu dans les tombes à partir de la 18e dynastie, et qui développe effectivement le voyage de la barque solaire, hein, dans l'au-delà, et qui montre la renaissance de ce dieu solaire au matin. Mais on a beaucoup de manuels. Alors, à la différence de la Mésopotamie, on a des textes beaucoup plus anciens, déjà à l'époque du Moyen-Empire, au 3e millénaire avant notre ère. On a dans les textes des sarcophages, et puis d'autres textes qui sont liés ou qui sont proches, comme par exemple celui qu'on appelle le livre des deux chemins, des trajets et des cartographies, hein, de l'au-delà. Sur ce qu'on appelle le livre des deux chemins, qui est beaucoup plus ancien que l'âme douate, on a des descriptions des chemins que le défunt, pour le coup c'est pas le roi, doit emprunter pour se rendre dans cet endroit. Et est-ce que cela sous-tend des préconisations en termes de bonne conduite morale? Oui, mais alors c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que une fois de plus, ces éléments s'expriment dans des textes différents. La seule chose que j'aimerais dire, peut-être pour rebondir ce que vous avez dit juste avant, c'est qu'en Égypte, on ne peut pas descendre dans le monde des morts. La descente aux enfers, entre guillemets, elle n'est pas possible. Enfin, si, elle est possible, mais il faut être mort. Donc la condition, c'est de mourir. Et après, alors voilà, on n'a pas envie. Hein. Et, alors la littérature tardive atteste parfois des catabases, hein, descente aux enfers. On a ça avec un texte tardif. Hein, enfin, de l'époque ptolémaïque, en gros, enfin, du moins jusqu'à l'époque romaine, c'est dans le cycle de Séthné, hein, on a un personnage qui descend aux enfers et qui remonte, mais curieusement, quand il descend aux enfers, il voit des choses qui ressemblent à l'enfer grec. Donc, on a l'impression que cette idée de descente et de remontée peut être en Égypte sous influence grecque. Alors, vous parliez encore du jugement, alors ça, c'est quelque chose qui s'exprime dans cette littérature du Nouvel Empire qu'on appelle les Livres des Morts, où là, on a un chapitre, ou du moins une section dédiée au jugement. Et à la condition d'être, non pas être le plus valeureux pour entrer aux enfers, c'est pas héroïque d'y entrer, mais d'être le plus pieux des personnages, alors ça c'est certain. Et on a beaucoup rêvé sur ces livres des morts égyptiens, et un des derniers qui a rêvé sur ces livres des morts, c'est Pierre Henry, en 1988, le compositeur. Thank you. un extrait du livre des morts égyptien, Transformation, dans une interprétation et une composition de Pierre-Henry en 1988. Nous sommes avec Anaïs Quien de la Fabrique de l'Histoire, Karine Makoviak, donc maître de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté à Besançon, spécialiste du monde grec, avec également Youri Volokhin qui enseigne à Genève et qui cherche à Genève, il est spécialiste de l'Égypte antique, et Véronique van der Stead depuis Bruxelles, donc chercheur au musée d'art et d'histoire de Bruxelles et spécialiste de la Mésopotamie. Qui sont les souverains? Y a-t-il des souverains des enfers en Mésopotamie, Véronique van der Stead, et qui sont-ils? Parce que dans la grande confusion que l'on croit comprendre de ces textes qui évoquent cet au-delà, en tous les cas, en Mésopotamie, eh bien, il y a des noms différents qui apparaissent avec des généalogies différentes. Qui gouverne cet espace? Eh bien, c'est une déesse qui gouverne cet espace, en tout cas au départ. C'est la reine Ereshkigal, qui au départ va en fait régner seule sur les enfers. Voilà, j'ai utilisé le terme. Et par la suite, on va en fait lui attribuer ce que j'appellerais une sorte de prince consort, qui est le dieu Nergal, qui à l'origine était un dieu céleste. Qui était le dieu de la maladie, de la sécheresse, de la guerre, enfin bon, qui était dès le départ, de toute façon, un grand pourvoyeur de trépassés, et qui donc va tomber amoureux de la déesse Ereshkigal et qui va rester avec elle aux enfers. Et tout ça nous est expliqué en fait dans un mythe qui s'appelle Nergal et Ereshkigal. Alors, à côté de ces deux grands dieux des enfers, vous avez aussi tout un personnel qui est là pour servir les souverains des enfers. Vous avez notamment le dieu Namtar, qui est le portier, enfin non pas le portier, le vizir, le messager de la reine Ereshkigal. Et lui, j'ai cru comprendre qu'il faisait l'aller-retour, lui. Il pouvait. Lui, il fait l'aller-retour parce que, en tant que messager, forcément, il va toujours revenir auprès de la reine Ereshkigal. Donc, en quelque sorte, il va pas bouleverser l'ordre établi des choses, puisqu'il retourne dans sa partie du monde. Et donc, effectivement, la reine Ereshkigal, quand elle veut participer à un banquet des dieux, qui se passe généralement qui se passe toujours dans la partie supérieure de l'univers, eh bien, en fait, elle ne peut pas y aller. Et c'est son vizir, Namtar, son messager qui doit aller chercher sa part du repas, en fait, en empruntant notamment un escalier de lapis-lazuli qui permet de rejoindre les parties hautes de l'univers. Il y a aussi un portier des enfers, même si on ne parle pas d'enfer en Mésopotamie. C'est un portier qui s'appelle Pétou, donc ça signifie « ouvre », en fait. Il garde donc les portes du monde des morts et il est assisté par plusieurs autres portiers parce que, en fait, on est supposé avoir 7 portes qui permettent d'accéder ou d'entrer dans le monde des morts. Alors c'est un petit peu compliqué parce que vous pourrez lire dans certains ouvrages que les enfers étaient entourés de remparts dans lesquels étaient aménagées ces portes, mais en réalité on n'a aucune source qui nous dise que les enfers étaient entourés de remparts. Et puis enfin, parmi ce personnel de l'au-delà, il y a aussi un personnel qui va intéresser beaucoup Karine Makoviak, c'est un Osché. Effectivement, on a le caron mésopotamien qui s'appelle Umut Tabal, ce qui veut dire emporte vite. Et oui, en fait, on sait à peu près rien du tout sur ce personnage. On connaît son nom, mais on ne sait pas quel rôle il jouait exactement. Et puis, pour terminer, vous avez encore un scribe des enfers, donc qui porte des noms différents en fonction des époques. Et ce scribe des enfers, il est là pour enregistrer le nom des morts lorsqu'ils arrivent devant les portes des enfers. Karine Makoviak, vous dit beaucoup de choses qui viennent d'être décrites par Véronique van der Stead à propos de l'univers mésopotamien. Absolument, je crois qu'on est dans des croyances extrêmement anciennes, donc il y a des parallélismes intéressants. Il y a effectivement ce Noché qui doit faire traverser les morts sur la rivière ou sur le fleuve Achéron. L'Achéron, donc le Noché qui s'appelle Caron, qui a d'ailleurs aussi, je crois, un équivalent chez les Étrusques, avec des fonctions assez proches, et qui est chargé, oui, d'acheminer les morts dans l'au-delà. Et puis vous avez un portier assez effrayant, qui est le fameux Cerbère, le chien qui, suivant les traditions, a 3 têtes ou 50 têtes selon Hésiode et un front d'airain. Alors Cerbère, c'est une espèce d'onomatopée poétique qui veut dire « grognement » en grec. Et donc, il empêchait les morts de ressortir de l'Hadès où ils étaient entrés, à titre définitif. Et puis, il y a aussi un couple, comme ce que nous décrivait Véronique van der Stede, c'est-à-dire qu'on a aussi Hadès et Perséphone, qui habitent dans un un endroit particulier d'ailleurs pour les textes tardifs, en tout cas de ces enfers, qui habitent du côté des Amérantes, mais qui ne sont pas sur les Champs-Élysées, cette espèce de paradis qu'on pourrait exprimer comme ça. Exactement. Fait pour les héros et les âmes vertueuses. Alors, il y a deux choses. Effectivement, Hadès est Corée, Perséphone, donc sa femme qu'il a enlevée suite au mythe que je vous ai raconté tout à l'heure, sont les deux souverains de l'enfer. Alors, il y a une chose intéressante par rapport à la Mésopotamie, c'est qu'il semblerait que Perséphone ait des traits plus effrayants qu'Hadès lui-même, parce que Homère dit de Perséphone qu'elle est terrible, au sens effrayante, elle fait peur, et Hadès, lui, au contraire, semble être un dieu assez neutre, ni malveillant, ni bienveillant. Son rôle est d'assurer un certain ordre cosmique. Il a été délégué là par Zeus pour que le monde des morts soit bien placé où il est, avec son chien. Donc on a cette notion de portier, de gardiennage qui ressort assez bien. Et pour en revenir aux Champs-Élysées, alors vous parlez effectivement d'âmes vertueuses, mais là encore, ce sont des traditions tardives. Alors il y a une énigme, quelque chose d'assez compliqué, c'est qu'Homère connaît les Champs-Élysées. Hein. Il en parle également dans l'Odyssée, mais il ne semble pas qu'une vertu, on va dire, d'ordre moral soit nécessaire pour entrer dans ces champs. Alors il place des héros guerriers dans ces champs, mais ces héros n'ont rien de moral au sens où nous, on pourrait l'entendre. Mais ce sont des guerriers. Ce sont des rois. Alors il y a peut-être une question d'idéologie sociale là derrière. Donc c'est un au-delà calculé en fonction de sa naissance. Je pense. Personnellement, je pense que c'est le cas. Lorsque vous lisez les encyclopédies des religions, en général, ces histoires de Champs-Élysées ressortent toujours. Mais c'est un flou artistique, ça se noie un petit, le poisson est un petit peu noyé, si je puis dire. C'est une conception qui est ancienne, mais le souci qu'on a très peu de sources aux périodes hautes. Donc, on voit mal le fonctionnement, en fait. Yuri Volokhin, est-ce que ce qui vient d'être décrit à la fois par Véronique van der Stede et par Karine Makoviak pour l'univers mésopotamien d'un côté et l'univers de la Grèce antique, vous parle de la même manière? Mais bien sûr, tous les polythéismes rebondissent les uns avec les autres d'une certaine façon. En Égypte, on a effectivement aussi dénoché, je dirais, dès les textes des pyramides. Donc à la fin du 3e millénaire avant notre ère, on a les noms de ces terribles, parce qu'ils sont assez inquiétants. Ils font traverser le mort. Et alors en plus, ils demandent des épreuves aussi parfois. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut connaître le nom du nocher, mais il faut aussi connaître le nom de toutes les parties du bateau pour pouvoir entrer dedans. Alors il y a tout un vocabulaire technique, il faut connaître le nom de tel ou tel gréement, enfin de telle ou telle partie de voile ou de rame pour pouvoir entrer dans la barque. Donc il y a des périls. Ce qui veut dire, Yuri Volokhin, que d'une certaine façon, il faut être prêt à affronter la mort. Oui et non, c'est-à-dire que ils ont suppléé à ceci par la mise par écrit de toutes ces connaissances. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où tout ce qui est demandé d'être connu est sur un rituel écrit ou du moins des textes écrits que vous prenez avec vous, si vous êtes dans l'élite sociale, bien évidemment, eh bien vous êtes sûr de pouvoir passer. C'est un peu peut-être une des fonctions magiques, en quelque sorte, ou d'une moins l'efficacité de l'écriture des textes, parce que si on a les textes, c'est pas parce qu'il voulait nous les confier à nous, il les donnait aux morts. Et donc, c'est parce que les tombes ont été retrouvées qu'on a ces textes. Et ces textes, ils étaient en possession des morts, en quelque sorte. Alors, il y a cette idée, je finis juste parce qu'il y a deux aspects à votre question. D'une part, effectivement, on a une géographie avec des passeurs et autres. On a une géographie avec des espaces terribles, avec des gardiens de portes, de porches, de portiques. Ils ont tous des noms horribles. C'est tous des monstres repoussants. Il y en a un qui s'appelle Mange Excrément, il y en a un qui s'appelle, je sais pas, celui qui a la tête inversée. Enfin, ils sont tous effrayants. Mais c'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, il faut connaître les noms pour arriver à passer dans un univers un peu trouble. Mais alors l'autre, alors ça c'est une des conceptions de l'au-delà. Et puis de l'autre côté, il y a une vision différente où l'accès passe par un tribunal et puis donc par quelque chose de moral. Et ça c'est la moralisation de l'au-delà est une chose importante et elle est en tout cas présente en Égypte, en tout cas depuis les Livres des Morts, probablement avant déjà, mais c'est clairement dans un fameux chapitre du Livre des Morts, le chapitre dit 125, dans notre classification qu'on a. Donc aux alentours de 1500 avant ? Dans ces eaux-là, c'est toujours un peu difficile de savoir, parce que ce qui est écrit ressort de traditions un peu plus anciennes toujours aussi. Donc. Thank you. extrait d'Ishtar de Vincent Nindy, interprété par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, dirigé par Emmanuel Krivine. Je rappelle que vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, une série d'émissions consacrée à l'enfer, et plus exactement aujourd'hui, aux enfers en Mésopotamie, en Égypte antique et en Grèce antique. Anaïs Kien. Oui, Véronique van der Stede, avant que l'on écoute ce morceau, Youri Volokhin parlait de la moralisation des enfers. J'avais envie de d'aborder le chapitre de la question justement morale, mais aussi politique, c'est-à-dire comment politiquement on utilise ce motif des enfers pour gouverner d'une certaine façon, parce qu'évidemment, en tant qu'habitant de la Mésopotamie, de la Grèce ou de l'Égypte, peut-être qu'on ne vit pas sa vie de citoyen, de mésopotamien, de la même façon, si l'horizon de la vie est la mort, ou si elle est l'immortalité, ou si elle est au contraire la renaissance, en fonction de ses qualités d'humain. De quelle manière, finalement, cette question de l'au-delà va s'articuler avec le projet politique d'une société? Véronique van der Stede. En réalité, il n'y a pas, donc on le disait, il n'y a pas en Mésopotamie de jugement des morts ou de pesée des âmes. On ne fait pas de différence entre le bon et le mauvais mort, mais ça ne signifie pas que tout le monde est égal dans la mort. Donc, en fait, le sort des défunts va en grande partie dépendre des héritiers, de la descendance, en fait. Et si on se fie donc des vivants. À l'époque... Donc des vivants. Donc si on se fie à l'épopée de Gilgamesh, en fait, on nous dit clairement dans ce texte qu'au plus un homme a d'enfants, au plus il a de fils, au plus il a de chances d'être heureux dans la vie. Alors, dans la mort plutôt. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est parce que les héritiers doivent normalement, si tout va bien, effectuer un rituel funéraire à des intervalles différents selon les périodes de l'histoire mésopotamienne. Et donc, ils devront effectuer ce qu'on appelle le kispum, qui est un rituel qui, dans sa forme la plus simple, consiste en fait à offrir du pain, faire une libation d'eau et prononcer le nom du mort pour qu'il ne perde pas son identité. Donc finalement, les morts ont une vie confortable dans l'au-delà, si on ne l'oublie pas, si on ne les oublie pas. Voilà. À condition d'avoir des héritiers et que les héritiers et qu'on ait une bonne relation de son vivant avec ses héritiers de manière à ce qu'ils acceptent de rendre le. Ben oui. Et donc c'est pour ça qu'en fait on a retrouvé en Mésopotamie des contrats d'adoption. Donc il y avait pour les gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants pour une raison ou pour une autre, ou bien certaines catégories de prêtres ou de prêtresses qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, eh bien ils adoptaient des enfants. Et dans les contrats d'adoption, on voit clairement que en échange de biens matériels la plupart du temps, eh bien ils devaient rendre le culte des ancêtres à leurs parents adoptifs et aussi veiller à ce qu'ils soient bien mis en terre, parce que c'est aussi une chose importante en Mésopotamie. Les morts doivent être enterrés pour pouvoir pénétrer dans le monde des morts, en fait. Oui, c'est donc le souviens-toi qui compte, en l'occurrence, pour pouvoir faire vivre le souvenir de ceux qui sont disparus. Karen Makoviak. Oui, on trouve une logique similaire en Grèce. Alors, je me permets de revenir sur les Champs-Élysées. Alors, je disais que c'est une énigme. Ces Champs-Élysées apparaissent chez Homère dans les années -800-900. Le souci est qu'on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Alors, sur le plan historiographique, les chercheurs sont divisés. Certains pensent qu'il s'agit de sortes de paradis que les Minoens ou les Mycéniens, ces ancêtres des Grecs, qui vivaient au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, avaient déjà inventé ou auxquels ils croyaient déjà. D'autres pensent que ce sont des élaborations poétiques. Et c'est tout le souci avec la culture grecque. Vous n'avez jamais la même description de l'au-delà suivant les sources, parce que l'au-delà est toujours décrit en passant dans des textes qui ont un tout autre objectif. Donc l'au-delà s'adapte aux objectifs des textes. Mais pour revenir sur votre question, il y a des objectifs sociaux qui me paraissent évidents. Nous avons notamment le poète Hésiode, l'autre grand poète grec à l'époque archaïque, donc vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque où les cités grecques se mettent en place, et qui lui parle aussi d'île des bienheureux, qui sont une déclinaison des Champs-Élyséens ou des Champs-Élysées homériques, et où il place exclusivement l'élite sociale. Donc c'est une façon de dire que les rois, ou ce qu'on appellerait nous les aristocrates, vivent dans ces sortes, entre guillemets, de paradis où tout fleurit, où le zéphyr souffle, et où ils sont en compagnie des dieux. Donc ils ne meurent pas. Mais qu'est-ce qui change avec l'arrivée des démocraties du 5e siècle, par exemple? Est-ce qu'on voit une évolution? On voit une évolution dans les milieux platoniciens. Platon élabore un paradis suivant l'idéal philosophique qui est le sien, et donc, comme par hasard, Platon reprend les traditions poétiques. Vous savez, les Grecs pensent avec le mythe, et le mythe, c'est une façon d'expliquer et d'instruire le public chez les Grecs. Et donc, Platon lui-même reprend l'idée des Champs-Élysées, il dit que oui, il existe un paradis, c'est le paradis des philosophes. Voilà. Mais la démocratie en elle-même n'a pas, je veux dire, en tant que régime politique, n'a pas d'impact sur ces croyances-là. Youri Volokhin, puisqu'on a beaucoup parlé avec vous, des évolutions tout au long des trois millénaires, pourrait-on dire, de l'Égypte antique, est-ce que cela a joué justement sur cette question des enfers en tant que représentation sociale? Non, parce que les idées fondamentales, elles sont présentes depuis les époques les plus anciennes. Effectivement, il y a d'une part la connectivité sociale qui doit être maintenue par le culte funéraire. Le culte funéraire, par excellence, c'est le fils qui fait le rite funéraire pour son père. Donc c'est la chose la principale. Ceci est toujours resté important. Donc un lien social. L'autre connectivité importante, c'est qu'il faut une intégrité physique de la dépouille du mort. Donc on doit la conserver. Donc c'est toutes les questions autour de la momification, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est énorme hein, comme sujet, mais enfin bref. Et puis l'intégration dans l'au-delà, si vous voulez, du défunt. Donc ces choses-là, je dirais pas que c'est difficile toujours de parler d'évolution, je dirais il y a des transformations, il y a des discours hein, différents qui peuvent arriver, mais les Égyptiens se sont toujours réalimentés à leur propre connaissance, c'est-à-dire que à l'époque Saïd, hein, par exemple, donc un peu avant Hérodote, on va dire un siècle avant, deux siècles avant, quelque chose comme ça. On va puiser des textes fort anciens, on va copier des textes des pyramides, et puis on se réapproprie des savoirs qui étaient déjà millénaires. Donc ils se sont nourris avec leur propre. Donc c'est pour ça que l'idée de l'évolution, c'est pas toujours quelque chose qui va de l'avant, c'est aussi des choses qui, il y a des retours en arrière. Oui, circulaire, effectivement, avec des questions qui sont liées à une autre vision du temps, en particulier Anaïs Kien. Oui. Sur cette question de comment préparer le corps à affronter l'au-delà, peut-être Youri Volokhin, c'est l'Égypte ancienne qui pousse le plus loin la ritualisation de la préparation du corps, justement, la question de la momification, mais en quoi cette extrême préparation du corps à affronter un au-delà lui permet d'affronter les épreuves ou ce qui l'attend là-bas. Je vous pose la question à vous parce que j'imagine que en ce qui concerne la Mésopotamie et la Grèce, il y a des choses qui s'y apparentent mais qui sont peut-être moins sophistiquées que pour l'Égypte ancienne. Youri Volokhin. Oui, mais il faut qu'il y ait une présence physique qui demeure. Comme les dieux ont une statue, il faut que le défunt ait sa propre statue. C'est une image, en somme, c'est plus tout à fait lui, mais du moins c'est quelque chose dont on a besoin pour que ces parties disjointes qui composent ce que l'on appellerait impropement son âme aient une sorte de point de rattachement pour qu'il puisse toujours bénéficier des offrandes. Alors d'où viennent ces affaires-là? Elles sont extrêmement anciennes, elles sortent peut-être déjà d'impératifs liés aux funérailles lors de la préhistoire. Ensuite, ce qu'on appelle momification s'est mis en place peu à peu. Et finalement, c'est quelque chose qui est toujours resté impératif. Donc la destruction du corps, notamment par le feu, est conçue comme l'irrémédiable destruction, l'impossibilité d'accéder à l'au-delà. Ils ont cette exigence-là. Il faut qu'il reste une trace, une présence. En quelque sorte, cette trace-là, c'est le point d'accrochage avec le rite funéraire. Et elle touche l'ensemble des populations ou est-ce qu'elles ont, il y a aussi là dans la préparation à ce passage du corps et à son maintien des différences sociales? Oui, Hérodote, dans son livre sur l'Égypte, en a parlé, mais pour les Égyptiens, eh bien, c'est comme partout, hein. Si vous êtes riche, vous avez un bel enterrement. Si vous êtes pauvre, vous n'avez pas grand chose. Donc, les inégalités sociales en Égypte qui sont absolument évidentes, elles se poursuivent de manière tout à fait acceptée, en somme, dans l'au-delà. Donc, l'au-delà pour les nobles restera un au-delà un peu aristocratique. Le terme est impropre, mais enfin, bref. Mm-hmm. Et l'au-delà pour les pauvres, bah ça, les ambitions sont plus modestes. Véronique van der Stede, pour le monde mésopotamien, la question de la destruction du corps ne fait pas débat d'une certaine façon. Le corps disparaît et retourne à son état originel avant même sa création. Oui, le corps est supposé retourner à la poussière. Mais on se rend quand même compte de plus en plus maintenant qu'il y a quand même une nécessité d'être inhumé intact, c'est-à-dire qu'on n'ait pas une tête en moins ou ce genre de choses. Donc, on se rend compte aussi que on ne doit pas préserver les chairs, comme en Égypte. Ce qui importe, ce sont les ossements, le squelette. C'est plutôt les ossements, en fait, oui. On voit ça très bien dans certains textes, en fait, où la destruction des ossements est vraiment la punition ultime. Hein. On va détruire les ossements de ses ennemis parce que à ce moment-là, eh bien, c'est un petit peu comme la destruction par le feu. On a le cas en Mésopotamie aussi, quand on est complètement détruit par le feu, quand les ossements sont réduits en poussière, eh bien, on n'existe plus. On n'existe plus ni dans le monde des morts ni dans le monde des vivants. On disparaît complètement. Oui, et pour vous, Karine Makoviak, c'est-à-dire pour l'espace de la Grèce antique. Oui. Alors en Grèce, il est évident que le corps doit être toiletté, lavé. C'est un devoir religieux extrêmement important pour les vivants de prendre soin des morts. Donc on a aussi cette préférence vis-à-vis d'un corps intact pour rejoindre l'au-delà. Alors évidemment, contrairement à l'Égypte, on n'a pas des rites codifiés comme la momification, ça ne va pas aussi loin. Mais un soin extrême est apporté aux morts, on le toilette. On le revêt d'un linceul blanc, on l'expose. Alors vous avez ici ce qu'on appelle des rites d'union maintenue qui montrent que le défunt continue à être agrégé en fait à la société dont il suit les codes. Et les Grecs soit inhument, soit incinèrent. Alors l'idéal c'est d'être brûlé parce que les grands héros homériques, Achille par exemple, Héraclès sont morts sur un bûcher, leur cadavre a été brûlé sur un bûcher parce que cette incinération permet l'envolée de ce que les Grecs appelaient la psyché, que nous on traduit par âme, mais c'est une traduction qui me gêne, parce que l'âme, c'est là aussi un concept tardif, c'est plutôt le souffle vital qui se détache du corps et qui va rejoindre l'Hadès sous forme d'une ombre. Homère parle des psukai, les ombres qui s'agitent et qui se précipitent vers l'Hadès. Oui, voilà. Et c'est la même chose pour vous, Véronique van der Stede. Je pense que, je ne sais pas comment on le dit dans les langues mésopotamiennes, mais cette question de l'âme ou du fantôme, c'est une question qui est particulière aussi. Ben oui, on a ce qu'on appelle un étémou, c'est ce qui subsiste après... Étémou, et c'est ce qui subsiste donc après la mort. Alors là aussi, nous, on a des problèmes de traduction. Hein. Vous verrez certains le traduire par esprit, par âme, par fantôme. Mais effectivement, c'est comme pour la Grèce. En fait, c'est le souffle vital qui s'échappe au moment de la mort et qui va devoir se rendre donc dans les enfers. Anaïs Kien. Oui, Karine Makoviak, vous nous parliez de la mort idéale, du traitement du corps mort idéal par l'inhumation, mais par le feu. Mais l'inhumation est peut-être plus courante. Et là, quel dispositif, quel est le processus qui se passe pour ce corps que l'on place en terre? Alors, l'inhumation est courante dans les régions où l'on manque de bois. C'est un détail qui est extrêmement pratique. Les Grecs étaient des grands constructeurs, ils ont énormément déboisé. Et donc, des régions comme l'Attique préfèrent l'inhumation, alors qu'ailleurs, on préfère l'incinération. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que le corps, donc s'il est inhumé, est directement enterré dans la terre, ou bien alors on peut également enterrer les cendres sous une stèle funéraire que les Grecs appelaient le sémma, la tombe. Alors, Emmanuel Laurentin, vous parliez avant de démocratie. Effectivement, la démocratie a eu une sorte d'impact impact sur les rites funéraires dans la mesure où à Athènes, elle a élaboré cet art classique extrêmement beau avec ses profils grecs. Et donc, on a des stèles funéraires absolument magnifiques qui représentent les défunts, mais avec beaucoup de pudeur. Mais ça change voilà. Le récit aussi du parcours du mort, peut-être, parce que là, on arrive par la terre et plus par les airs. Alors là, vous posez une question qui est complexe, parce qu'en fait, les Grecs n'ont jamais élaboré de doctrine cohérente sur l'au-delà, mis à part Platon, justement, et certains cercles philosophiques. Je pense aux orphiques, aux pythagoriciens, mais ce sont des choses un petit peu plus pointues. Il y a une tradition poétique qui consiste à décrire l'au-delà d'une certaine façon, comme je vous l'ai dit, avec les Champs-Élysées, l'Hadès, un petit peu le Tartare aussi, dont on n'a pas eu le temps de parler. Et il y a les traditions rituelles, l'archéologie, les objets, les offrandes alimentaires ou les dépôts votifs qu'on a pu faire auprès du mort, qui nous livrent une toute autre image de l'au-delà, et notamment la croyance suivant laquelle le mort peut revenir. Ce qui est fondamentalement différent du Cerbère, qui ne laisse sortir personne. Voilà. Et en cela, est-ce qu'on peut dire, Youri Volokhin et Véronique van der Stedt, que ces études que vous avez dû déjà pratiquer, de vision comparée de l'au-delà, nous apprennent quelque chose sur cet espace géographique méditerranéen? Très brièvement, Youri Volokhin. Il y a depuis très longtemps des études comparées. Elles ont souvent l'avantage de permettre aux spécialistes de voir les spécificités de son propre domaine. La question des diffusions des systèmes de croyance est beaucoup plus complexe, évidemment. Alors, comme je le disais rapidement avant, on a des cas manifestes où l'enfer grec apparaît dans des textes égyptiens à l'époque tardive. Mm-hmm. C'est une sorte de citation de certaines choses, mais autrement, d'établir de manière générale une cartographie d'un au-delà méditerranéen oriental, c'est déjà le problème, c'est que déjà à l'échelle de chaque culture, on a affaire à des pluralités. Donc ensuite, arriver à on n'a pas de version unique. Hein. Donc faire une anthropologie méditerranéenne serait trop compliqué et même trop hasardeux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir joué ce jeu. Youri Volokhin, je rappelle que vous êtes donc enseignant et chercheur à l'université de Genève, spécialiste de l'Égypte antique. Votre dernier ouvrage est un ouvrage collectif sur un tout autre sujet, la barbe et les barbus au Proche-Orient, chez Peter Lang. C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé. Véronique van der Stedt, vous avez travaillé sur les conceptions de l'au-delà et ça a été publié en Mésopotamie, ça a été publié donc chez Peters, et puis pour votre part Karine Makovia, qu'on peut lire sur les très bons sites que sont Cairn ou encore revue.org, qui s'appelle maintenant Open Edition, vos articles sur la Grèce antique. On terminera cette semaine avec vous, Anaïs Quien. Karine Makoviak parlait tout à l'heure de l'importance de l'invention poétique pour créer ces imaginaires des enfers. Et donc demain, on vous racontera l'élaboration et puis les aventures de Dante traversant les enfers, donc dans son premier volet de la Divine Comédie, qui puise à la fois dans les mondes antiques tels qu'on les a rencontrés aujourd'hui, mais également dans l'Italie de Dante, donc dans l'Italie du XIIIe siècle. Un extrait. L'idée de l'enfer, telle que Dante le présente dans son poème, doit beaucoup à l'esprit créateur de Dante. Au-delà de l'inspiration de la source fiable qui est l'Énéide, le sixième chant de l'Énéide, Dante renouvelle en profondeur l'imaginaire chrétien sur l'enfer. Pour l'entrée dans l'enfer proprement dit, il faut passer l'Achéron, dans la barque d'un certain Charon, qui a des yeux de braise effrayants, etc. Or, Charon lui dit non, Dante, toi tu viens pas dans ma barque. Alors comment passe-t-il en enfer? On ne sait trop, puisque il y a une espèce de raccourci, d'ellipse. Il se retrouve de l'autre côté, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais en tout cas, il n'est pas monté dans la barque de Charon. Du premier cercle, ainsi, je descendis dans le deuxième, de diamètre moins grand et de douleur si vive qu'il pousse au cri. Minos y siège et grogne horriblement, examine les fautes dès l'entrée, juge et châtie par ses enroulements. J'affirme que lorsque l'âme mal née vient devant lui, elle ne cache rien. Et il voit, ce connaisseur des péchés,